Des grèves d'ITL éventuellement en ce moment. Alors attends. Alors attends, je suis en galère parce que j'ai des gants et je peux pas les plier. Ouais, est-ce que tu peux me redire la question en fait? Est-ce qu'on a envie. Est-ce que vous avez envie de débattre sur la question les grèves actuelles sont-elles justifiées? Alors j'ai un non à ma gauche. Sinon, on peut demander aux potes d'Alain Juppé s'ils veulent débattre avec nous. Bon, Alain Juppé, les grèves actuelles sont-elles justifiées ou pas? Bon, ça emballe pas les foules en fait cette question. Est-ce qu'il y a une autre question dans la boîte à questions? Voilà. Sinon, j'en profite. On a quelqu'un de Bibliothèque Debout aujourd'hui. Donc, des livres sont à votre disposition. Et on remercie encore les personnes pour la bâche. Alors, le pacifisme est-il vraiment une solution opérante? Ah, alors ça, c'est une question qui peut nous prendre la tête pendant 3 heures. Alors, moi, ça me plaît cette question. Le pacifisme est-il. Attends. Est-il vraiment une solution opérante? Alors, qu'est-ce que c'est une solution opérante déjà? Un truc qui marche en gros, quoi. Est-ce que le pacifisme, ça marche? C'est un peu ça. Alors, pour lancer le sujet, ça dépend en fait. Parce que. Allez, je vais prendre un exemple un peu caricatural, mais si par exemple on se met tous sur la place de la République, tous assis contre quelque chose et qu'on nous envoie les forces de l'ordre et du gaz qui pique, etc., bah, malheureusement on va être obligé de partir de la place. Et finalement l'action. Alors après il y aura peut-être un écho médiatique, etc., etc. Mais finalement, malheureusement, le côté violent bah, gagnera, en tout cas sur l'occupation par exemple de la place. Donc je sais pas si ça aide ce que je dis, mais. Ok. Déjà, je pense qu'il y a un problème dans la question. C'est le mot solution. Le pacifisme, c'est pas une solution. Et alors, une solution opérante, je comprends pas trop ce que ça veut dire. Donc, à la limite, le pacifisme est-il un moyen opérant pour. Mais encore une fois, ça dépend pour arriver à quoi. C'est. Ou alors, est-ce que, comme la fin, c'est le pacifisme, est-ce qu'on doit y aller que par les moyens du pacifisme? Ça, c'est intéressant aussi. On pourrait se dire, si on veut arriver dans une société dans laquelle il y a de la paix, est-ce qu'on peut y aller que par la paix? Et donc, du coup, est-ce que si la solution c'est le pacifisme, on doit passer par le pacifisme pour y arriver? Donc, en fait, il y a un peu deux choses, je crois, dans la question. Il y a est-ce que le pacifisme doit être un moyen? Est-ce que le pacifisme doit être une fin? Ou est-ce qu'il faut que ce soit les deux? Donc, voilà, je complexifie un peu la question comme ça. Et alors, peut-être pour. Bon, il me semble que le pacifisme comme fin, on est à peu près tous plus ou moins d'accord là-dessus. Que notre but c'est pas de construire une société dans laquelle il y aura des guerres permanentes quoi. Enfin peut-être que ça fait rêver certains, mais je suis pas sûr qu'ici ça nous fasse trop rêver. Alors par contre le pacifisme comme moyen, c'est bah, souvent les débats qu'il y a autour de ça, c'est que penser que par le pacifisme on peut arriver justement à une société pacifique, ce serait comme s'il y avait actuellement pas d'enjeu de pouvoir, pas de lutte avec des personnes qui ont vraiment plus de puissance que d'autres et que pour remettre en cause ces enjeux de pouvoir et pour les dépasser, il faudrait forcément que ça passe par une lutte qui ne serait pas pacifique. Donc, je suis un petit peu plutôt dans cette option-là, en tout cas. Donc oui, la question, c'est est-ce que le pacifisme est une solution opérante? Donc, comme c'est une boîte à questions, opérante. Donc, comme c'est une boîte à questions, tout le monde est invité à participer. N'hésitez pas. Non, mais oui, c'était juste pour. Parce que, quand même, on n'était pas vraiment sûr de comprendre la question. C'est ce que j'ai compris aussi. C'est est-ce que, on peut se servir du pacifisme pour arriver après au pacifisme ou pas? Mais en tout cas, est-ce que c'est comme ça que j'ai compris la question? Est-ce que ça peut servir comme moyen d'action? Après, la réponse, je sais pas. Je pense que oui, mais ça dépend vraiment des. Ça dépend des cas, en fait, tout simplement. Effectivement, je sais pas si ça peut servir à tout. Pour tout avoir, quoi. Je suis pas certain, mais voilà, j'aurais du mal. Oui, Pierre. Moi, si vous continuez à parler, je ne parle pas. Il y a différents degrés de pacifisme et de guerre. Du niveau zéro à l'infini, il y a toute une gamme. Moi, je pense que le résultat d'une situation est lié aux moyens qu'on utilise pour... Donne-leur le micro, j'arrête. Donc, le résultat d'une situation à laquelle on veut arriver dépend des moyens qui sur du chemin. Staline avait des bonnes intentions en 1917 avec Lénine, on est arrivé au goulag. Cuba, il y a eu de gros problèmes. Moi je pense que si on s'évade trop des moyens pacifiques, on arrive au contraire de ce qu'on veut. Et que d'autre part, je suis perturbé par je sais pas qui là, c'est pas vous, c'est les autres, mais le merde, j'ai perdu le fil. Ouais, moi dès qu'il y a du bruit, je peux plus là. Alors non, c'est pas vous là, j'accuse personne ici, c'est machin là, Juppé. Ok, la question initiale c'est est-ce que le pacifisme est une solution opérante ? Honnêtement, je pense que non, parce que comme l'a dit Winston Churchill, le pouvoir politique sort du canon d'un fusil. Après, une fois que ça s'est dit, je pense réellement qu'on n'a pas besoin d'armée en France. On a la bombe nucléaire. De toute façon, aucun pays va venir nous envahir. Sinon, on leur bombarde la gueule. C'est pas la solution, bien sûr. C'est l'équilibre de la peur et ça risque de très mal finir. Mais en réalité, en France, on n'a pas besoin de porte-avions. On n'a pas besoin de Mirage. On n'a pas besoin de sous-marins. C'est tout ce que je voulais dire par rapport au pacifisme. J'irais juste plus loin que toi, en fait, dans le sens où c'est... aujourd'hui, c'est même le capital qui a le pouvoir, en fait, même plus que les armes, en fait. Enfin, j'ai l'impression, parce que du coup, c'est même le capital qui dirige les armes, et du coup, celui qui, enfin, au final, ça sera celui qui peut le plus payer. Lui, il a pas besoin d'être violent, il a juste besoin d'avoir le capital, quoi. Et donc, c'est assez. Oui, pour rebondir sur ce que tu disais, parce que toi, t'as parlé en fait d'une forme de pacifisme d'État entre États, et c'est vrai qu'ici, on en parle assez rarement. En fait, on parle plutôt de par rapport au gouvernement, c'est plutôt peuple contre gouvernement, en fait. Et donc, du coup, oui, c'est assez pareil. Voilà, si le peuple veut du pouvoir politique, oui, mais comme la force en face est bien plus puissante, est-ce que le moyen du pacifisme, finalement, est le plus évident, voire le seul possible à mettre en place ? Parce que si on veut en passer par la force, est-ce qu'on n'est pas déjà sûr d'échouer par avance ? Je sais pas, c'est vraiment une question que je pose. Ou alors ça peut être la force, comme tu le disais, du côté économique, grève de la consommation, ces choses-là, qui là peuvent... mais est-ce que du coup on est dans un rapport de force, c'est du pacifisme aussi d'une certaine façon, d'en passer par l'économie. Moi, quand on parle de pacifisme, entre guillemets, qui a fonctionné, il y a tout de suite ce qui me vient à l'esprit, c'est Gandhi en Inde. Mais Gandhi en Inde, c'était il y a quelques années quand même. Et je suis pas sûr que, en fait, ce qu'a fait Gandhi pourrait marcher en 2016. Parce que on le voit, on est dans une société quand même où on joue pas mal sur les peurs. Et du coup, les peurs, c'est un repli sur soi-même et c'est un repli sécuritaire. Et du coup, le pacifisme, entre guillemets, pour beaucoup de gens, en fait, c'est un truc un peu abstrait. C'est une vague notion, et du coup c'est con à dire, mais ça fait un peu peur aussi aux gens, parce que le pacifisme, finalement, c'est un espèce de grand inconnu pour moi. C'est de se détacher complètement de ce qu'on fait, ce qu'on fait. Quand je dis on, c'est les gens en général, hein, la société qu'on connaît, et capitaliste encore, même j'ai l'impression que c'est devenu un gros mot d'ailleurs. J'ai tellement dit ici le mot capitaliste, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, donc pour moi, c'est... Il y a eu pendant un moment, là, sur cette place, des débats entre la violence, la non-violence, et... je suis pas sûr qu'on l'a tranché, d'ailleurs, ce débat. Il a jamais été vraiment tranché, après, ce qui... Voilà, chaque lutte a ses particularités, on va dire ça comme ça. Mais clairement, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un rapport de force. Et le rapport de force, malheureusement, il n'est pas du côté des pacifiques. Pacifiques. Ouais, je sais pas si ça se dit comme ça. Pacifiste, voilà, pardon, excusez-moi. Et On voit, hein, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, bah, avec ce qui s'est passé, l'exemple récent de Trump aux États-Unis. Trump, c'est pas un pacifiste. Les gens qui ont voté pour lui, je suis pas sûr qu'ils soient très pacifistes non plus. Donc je sais pas si on peut reporter ce qui s'est passé aux États-Unis sur le reste du monde. Mais moi, ce que je dis, je sais pas si je l'ai dit ici au micro, mais je rêve un jour que les Chinois se rebellent et fassent leur révolution, mais une vraie révolution. Hein. Et là, je pense que ça sera pas pacifiste. Ça sera pas pacifiste du tout. Mais si déjà eux ils font, ça sera déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Je sais pas trop si j'ai avancé dans le sujet, mais. Je sais pas. T'étais avant moi, Bruno. Bruno. Oui, j'ai retrouvé ce que je voulais dire. Je pense que le pacifisme, c'est une condition nécessaire pour nous. On ne va pas acheter des chars d'assaut aux puces, ni des B-52. Tu viens de dire, Sylvain, que les pacifistes sont en minorité. On est ici des pacifistes et on a gagné une bataille contre la mairie de Paris. Donc on a gagné pacifiquement. On est dans un rapport de force et on n'a pas utilisé de bazooka pour être ici. Donc on a gagné pacifiquement. Et ce qu'on a à faire, c'est continuer à une échelle plus grande. S'il y a eu du bordel ici, c'est pas nous, c'est les autres. Ils ont perdu. Au prix d'un œil perdu, c'est vrai. Pour répondre à la question, j'espère qu'il y en a un qui espère que les Chinois ont fait leur révolution. Malheureusement, ils l'ont déjà faite il n'y a pas si longtemps que ça. Hein, c'est il y a 60 ans. Il faudra leur laisser un peu de temps avant qu'ils envisagent d'en faire une autre. Et surtout que la leur était sacrément compliquée, hein, parce qu'il y avait trois courants différents. Il y avait les seigneurs d'un côté, les seigneurs de guerre de l'autre, les seigneurs de guerre d'un côté, les tenants de les légitimistes de l'empereur d'un autre côté et les communistes de l'autre. Et les trois ont fait la guerre chacun pour les fonds de sa cause. Ça a été un peu le bordel. Alors je crois qu'ils sont un peu lassés. Moi je pense que c'est possible. Je pense que ouais, ça peut être une bonne méthode. Et moi, je commencerai par me poser la question, pourquoi, du coup, les gens, ils ont besoin d'être violents, en fait, quand ils font la révolution ou qu'ils veulent changer les choses? Pourquoi ils ont besoin d'être violents? Et moi, je pense que pour rester pacifiste, tout simplement, il faut avoir confiance en soi. Vraiment, pour de vrai. Ouais, c'est juste pour répondre. Je pense que... Malheureusement, pourquoi ils deviennent violents, je pense que c'est ça dépend vraiment de chacun et c'est une frustration, quoi. Une frustration qui, au bout d'un moment, comme tu dis, il faut être patient et malheureusement, on n'a pas tous la possibilité d'être patient tout le temps jusqu'à une certaine limite, quoi. Enfin, je pense que c'est tout aussi bête que ça, mais voilà. En fait, la question, je la trouve dure parce qu'en fait, quand on la pose, on est un peu dans l'abstraction. C'est-à-dire que le pacifisme est-elle une solution opérante? Alors, une solution pourquoi? Dans quel contexte? Et qu'est-ce que c'est que le pacifisme? Donc, moi, pour résumer, si on entend pacifisme par action non violente et solution opérante par solution à des problèmes sociaux ou politiques, dans ce cas-là, on pourrait inverser la question et dire est-ce que la violence est une solution opérante? Et là, je pense que tout le monde sera d'accord pour dire plutôt non que oui. Alors que le pacifisme, ça peut poser question. Et par rapport à ça, je pense que dans les systèmes politiques, en fait, ce que dit Karl Popper, c'est que lui distingue deux formes de régime politique, la démocratie et les autres, dans le sens où seule la démocratie permet de changer de gouvernement sans passer par la violence, par justement l'élection. Et donc à partir de là, dans le modèle démocratique, en théorie, on peut trouver des solutions sans passer par la violence, en passant par les urnes, en fait. Donc voilà, donc tout ça pour dire que moi personnellement je partage cette idée là, même si dans les faits effectivement on voit bien que c'est souvent par la force que que c'est pas aussi simple que ça, parce que l'humain, comme disait Pascal, faute d'avoir rendu la justice forte, on a dû s'efforcer de rendre la force juste, hein, donc voilà, c'est voilà. Oui, moi du coup je voulais donner comme exemple le mouvement anarchiste, parce qu'en fait ça dépend aussi beaucoup de la réponse qui est apportée par rapport à quelque chose qui peut être pacifique à la base. Si la réponse de l'État est tout de suite de la violence et de la répression, en face va y avoir de la violence aussi. Et en fait, ils ont mis en place pendant tout un moment ce qui s'appelait la propagande par les faits. Donc, c'est-à-dire ne plus utiliser la propagande papier, mais poser des petites bombes à des endroits pour que les gens se rendent compte qu'il y a vraiment une contestation. Et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, du coup, en face, la propagande de l'État, ça a été « vous vous rendez compte, on est en danger », et le peuple n'était pas du tout d'accord, parce que c'était ciblé. Toutes les bombes étaient ciblées sur des endroits de justice, parce qu'à ce moment-là, la justice n'allait pas du tout dans le sens du peuple. Et donc, le peuple, en fait, était tout à fait d'accord avec cette violence qui était exprimée par les bombes. Et l'autre aspect, donc, pendant la... En Espagne, justement, quand le mouvement anarchiste a réussi à s'installer pendant assez peu d'années avant que Franco bah, les tue presque tous, en fait, c'est aussi par les armes qu'ils ont réussi à créer des lieux entiers dans lesquels ils pouvaient mettre en place justement le mouvement anarchiste où, du coup, les paysans s'autogéraient, où tout le monde s'autogérait. Ils ont créé des écoles, ils ont créé vraiment plein de choses. C'est génial à regarder. Enfin, il y a un documentaire là-dessus que j'ai regardé hier, en fait. C'est pour ça que, du coup, j'en parle aujourd'hui. Et donc, du coup, là, on voit par exemple que ça pouvait passer que par les armes. Bon, après, c'est aussi une autre époque. Maintenant, on voit très mal demain quelqu'un partir avec des armes pour prendre l'Assemblée nationale. Ça nous semble complètement impossible. Alors que pourtant, quand on regarde pas si loin en Syrie, tout le monde se tire dessus. Donc, il y a un espèce de décalage aussi spatial et virtuel où on se dit, non mais la violence, c'est quoi ? La violence des manifestations, c'est minime en soi comme violence. Mais voilà, l'idée, par exemple, qu'il y a quelqu'un maintenant en France qui aille poser des bombes dans un endroit, moi j'aimerais bien savoir quelle serait la réponse du peuple actuellement par rapport à ça. Et en même temps, ça pourrait être des bombes posées, justement, bah, je sais pas, un grand industriel qui pollue énormément la planète et qui tue plein de gens par les OGM, enfin pas par les OGM, c'est un exemple que je donne parmi d'autres, qui a une bombe posée là où il y a son QG principal. Est-ce que la réponse du peuple serait « Ah non, non, non, on condamne ?» Je sais pas. Et là, ça pourrait être un moyen de lutte qui finalement... Enfin, moi, je suis pas contre la violence comme moyen pour arriver au pacifisme, en fait. Je pense que ça... Il faut à chaque fois prendre en compte les enjeux que ça implique, que ce soit ciblé, et voilà, que ce soit réfléchi, en fait. C'est pas la violence pure sur « bah on casse tout ce qui bouge ». Mais si, à un moment, je pense que... Il y a un moment, on peut être qu'obligé d'en passer par la violence, en fait. Mais avec aussi des mouvements pacifistes pour pouvoir créer. La violence, c'est quand on est contre quelque chose qui doit être détruit. Et l'aspect pacifisme, c'est pour construire à côté. Donc pour moi, c'est toujours en parallèle, en fait. Là, on parle de la violence dans un mouvement. Personnellement, je serais plutôt tendance pacifiste, quoi qu'il arrive. Le seul problème, c'est que du coup, j'ai l'impression qu'on oublie une autre forme de violence qui existe, qui est celle que l'on subit, qui peut pousser des gens à passer à la violence, parce qu'une entreprise qui va licencier 10 000 emplois pour préserver ses bénéfices, c'est une entreprise qui détruit 10 000 vies, c'est bien une forme de violence. Moi, j'appellerais même ça du terrorisme. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis, mais moi, je sais pas, pour moi, ça marche pas, en fait, utiliser la violence pour obtenir quelque chose de non-violent. Personnellement, moi, dans ma tête, ça fonctionne pas. Après, je sais pas, on peut toujours essayer. Mais je pense que vraiment ça vient de notre éducation et ça me fait penser à l'atelier qu'on fait où il faut dans l'atelier du pop où on demande à être utopiste et je pense que la non-violence c'est possible et la violence qu'on a à l'intérieur de nous, je pense qu'il faut plutôt qu'on apprenne à la gérer, à l'accepter parce que oui, on est des êtres humains, on est des animaux, donc oui, il y a de la violence à l'intérieur de nous. Mais est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour faire quelque chose de bien et en faisant quelque chose de cohérent avec ça, utiliser notre violence dans quelque chose de positif. Mais moi je sais pas, quand j'entends violence, pour moi c'est voilà faire la révolte et vouloir tout casser. Ça pour moi ça peut pas fonctionner quoi. Clairement pas possible. Juste, bah, ça rejoint un peu ce que Bruno a dit, mais effectivement, en fait, il y a aussi une violence clairement qui est subie, mais pas physiquement, mais c'est une violence, comme tu disais, licenciement ou les conditions de travail, ou enfin, un peu le quotidien, quoi. Qui fait qu'en plus, ce que je trouve quand même déjà pas mal, c'est que on se force à répondre différemment, du coup, de ce qu'on reçoit. Enfin, on reçoit pas de violence physique, quoique, des fois, mais. Mais on reçoit une violence et on cherche à répondre différemment. Ce qui est déjà, et du coup, je trouve, trouve ça normal que ça soit difficile en fait, parce que ça serait beaucoup plus simple de répondre par la même attaque que l'ennemi quoi. Il nous attaque violemment, on répond par la violence et c'est tellement plus simple. Mais du coup, enfin, je comprends que du coup que ça soit très compliqué de que tout le monde puisse arriver à se dire bah oui finalement le pacifisme c'est ça qu'il faut, parce que ça demande je pense un double travail quoi, de dire ok on veut bien se défendre mais en plus avec d'autres armes, et du coup enfin c'est un double travail quoi, c'est tout. Ouais, alors par contre là j'ai un peu l'impression qu'on oppose violence et pacifisme, alors que le pacifisme peut être aussi violent dans le sens où alors moi ce que j'entends par pacifisme c'est l'idée de paix en fait, c'est l'idée de vouloir une société où règne une paix. Alors moi je vois ça dans le sens de la paix sociale hein. Et donc à partir de là on peut comparer la famille à la société, et dans une famille dans laquelle il y a de la violence, de la violence physique, bah pour moi c'est une famille qui a un problème quelque part. Donc une famille normale entre guillemets pour moi, ou une bonne famille, c'est une famille dans laquelle il n'y a pas de violence physique, on est bien, on se sent bien. Donc pour moi une société apaisée ce serait une société un peu à l'image d'une famille, une bonne famille où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de coups, il n'y a pas de... voilà. Donc pour moi, dire que dans une famille, alors c'est un peu l'idée du fils qui tue le père pour instaurer la paix dans la famille, je sais pas, moi j'y crois pas trop. Moi je pense que la violence ne peut engendrer que la violence. Je pense que voilà, je pense pas que par la violence on puisse instaurer la paix. Même si souvent c'est ce qu'on dit dans les utopies, c'est voilà la dictature du prolétariat, tous ces trucs-là, on dit voilà, on va faire la violence et puis quand on a le pouvoir, on va abandonner les armes et puis moi j'y crois pas trop. Voilà. Et Bruno, non ? Moi, j'y crois pas trop non plus, personnellement. Tu voulais parler, non, Bruno ? Non ? Si tu retrouves ce que tu veux dire. En fait, non, j'ai pas retrouvé ce que je voulais dire au départ. Mais reprendre l'idée d'une révolution pacifiste, c'était celle de Gandhi. L'idée dans ces révolutions pacifistes, c'était pas de faire la révolution contre les Anglais, mais de la faire sans les Anglais. Remontrer à son peuple comment vivre et faire les choses sans les Anglais, sans la production et les importations anglaises. Ça a été long, ça a été difficile, ils ont pris plein la gueule, et ils sont plus ou moins arrivés, plus ou moins. Mais en fait, quand on parle de pacifisme, c'est plus l'idée de pas... se retrouver confronté à un adversaire qui nous domine, qu'on ne peut pas vaincre, et donc apprendre à faire les choses autrement, sans lui. Je rejoins complètement ça, c'est ce que je voulais dire, mais dis que moi. Ouais, très intéressant ce que tu viens de dire, c'est vraiment ça, et même carrément utiliser les côtés qu'on peut de notre ennemi entre guillemets, parce qu'on peut toujours trouver des solutions. C'est ça en fait, c'est avoir confiance en soi pour chercher des solutions au lieu de contre-attaquer bêtement. Il faut prendre son temps, se poser et trouver des solutions pour utiliser son pouvoir à lui et créer des choses. Bon voilà, c'est un peu l'idée des arts martiaux et tout ça. Ouais, non, mais c'est ça, et je redescends dans un truc un peu simple, mais en fait, c'est juste histoire dans un conflit, quoi. Plus tu rentres dans le jeu de l'autre, moins ça va s'arranger. C'est même dans un conflit entre deux personnes, il y a un peu ça. C'est alors que si dès qu'il y en a un qui essaye de se détacher, de trouver un mode différent de penser ou d'agir, tout de suite ça va se débloquer, quoi. Et même si des fois c'est unilatéral, ça va se débloquer que pour un, l'autre n'aura jamais compris, mais bon, au moins ça va se débloquer au lieu de se taper dessus, quoi. Mais après, je pense que le problème, faut bien, ce dont on parle là, je pense que ça s'adresse vraiment dans des cas particuliers, dans des cas où on peut s'éviter la violence. Mais parfois, il faut le dire clairement, quand vous êtes devant des tyrans, devant des gens qui vivent que dans la violence, pour se libérer de ces gens-là, malheureusement, je ne crois pas que le dialogue, le pacifisme, ça a des effets. Donc je dirais que la violence peut être nécessaire selon le contexte. Mais voilà, mais dans l'idéal, c'est ce que je veux dire. Bah, on peut être pacifiste et avoir quand même aimé sa vie, quoi. C'est-à-dire qu'on va être prêt à tout pour se battre d'une manière pacifique. Mais à partir du moment où on commence à me tirer dessus, même pas, puisque ça m'est arrivé et j'ai pas eu envie de passer à la violence derrière. Cela dit, c'est pas devenu mon quotidien, mais si ça doit devenir mon quotidien, je me laisserai pas faire, je pense pas. Oui, juste le hasard de la discussion fait que là, pendant qu'on est en train de parler, il y a une manifestation de Turcs contre Erdogan, de Kurdes, pardon. Et Kurdes. Et du coup, quand on parle de violence, bah voilà, je pense que si on leur demande à eux ce que c'est la violence, ils auront des mots malheureusement beaucoup plus profonds que les nôtres. Et effectivement, là. dans ce que, pour rebondir sur ce que vous disiez, la violence ne doit pas forcément engendrer de la violence. Aujourd'hui, et j'en reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comme quelqu'un en fait qui ne connaît pas, donc tu lui fais peur, tu lui dis bah tiens, telle personne c'est un voleur, telle personne c'est pas une bonne personne, voilà. Alors qu'en fait, si tu vas la voir et si tu discutes avec elle, tu te rends compte très rapidement ce qu'on t'a dit, c'était des conneries. Et je reprends, enfin, je vais aller sur les gens, par exemple. Des fois, j'ai essayé de parler avec des gens qui voulaient voter Front National, par exemple, et tu leur dis, mais pourquoi tu votes Front National ? Ouais, mais j'ai peur de telle ou telle chose. Alors qu'ils n'ont, certains n'avaient jamais vu une cité de leur vie, certains n'avaient jamais vu quelqu'un qui était de couleur de telle ou telle couleur de peau. Et je trouve ça dommage, mais on en est à. Pour moi, tout ça, c'est de l'ignorance. Et c'est une espèce de violence et de peur en fait qui se matérialise pas en fait, qui est pas forcément physique, mais c'est juste qu'on instaure à travers des médias et à travers des discours assez caricaturaux. Donc ça forcément alors on peut dire il faut le combattre, mais ça on peut le combattre effectivement sans violence, et c'est ce qu'on essaye de faire nous à notre modeste niveau éducation populaire. Déjà en parler, c'est déjà le combattre, et c'est pas forcément très violent d'en parler, et d'ailleurs certains nous le reprochent, mais des fois les mots peuvent être beaucoup plus violents que des coups, etc., etc. Et donc voilà, je sais pas trop où je voulais en venir, mais mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Ouais, je pense qu'il faut aussi avoir une donc on va dire dans le pacifisme on voit un conflit entre deux personnes, enfin deux personnes, deux entités, et du coup il y en a un qui est violent et il y en a un qui veut rester pacifiste, et il faut avoir une toute autre image, un imaginaire du conflit vraiment différent de ce qu'on a aujourd'hui. Par exemple, que bon, dans la plupart des films qui passent au cinéma, à la télé ou quoi que ce soit, on montre beaucoup de violence, et ça nous paraît normal de voilà, quelqu'un me frappe, bah je le frappe. Et je pense qu'il faut vraiment amener un tout autre concept de comment gérer quelqu'un qui devient violent. Pourquoi cette personne devient violente ? De quoi elle a besoin ? Qu'est-ce qu'elle a besoin de montrer ? Voilà. Et je pense que vraiment, il faut approfondir sur ce sujet-là. Il y a tout un tas de réponses possibles, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose profondément d'important à comprendre. Ouais, pour rebondir sur ce que ce que tu viens de me dire me fait penser à quelque chose. En fait, quand t'es gamin, j'ai jamais trop compris pourquoi en fait souvent on t'offre des jouets qui sont des armes ou des pseudo armes. Alors des fois ça peut être de l'eau qu'il y a dedans, ou des fois des trucs en plastique. Où il y a les moi je sais qu'à ma je sais pas si ça c'est toujours à la mode, mais à mon époque il y avait les pistolets à billes. Et les pistolets à billes, il n'y avait pas plus ressemblant à un pistolet à billes qu'un vrai pistolet. D'ailleurs, je crois qu'il y avait déjà eu des problèmes là-dessus avec des gamins, bref, avec des flics, etc. Ou même des cambriolages avec des pistolets à billes, alors que voilà, qu'il n'y avait pas de balles, en tout cas réelles, dedans. Et pour moi, souvent quand j'étais gamin, en fait, on jouait à la police et aux voleurs. Et à la fois, l'un était la police et à la fois le voleur. Il y avait déjà ces espèces de stéréotypes, en fait, mais qu'on voyait déjà un peu dans les dessins animés du Club Dorothée. C'était mon époque, le Club Dorothée, avec Ricky Larson, là, je sais pas quoi, tous ces trucs-là. Et inconsciemment, en fait, on reproduisait un petit peu ce qu'on voyait. Enfin, moi, l'un des gros films populaires, quand j'étais gamin, c'était Bad Boys avec Will Smith et je sais plus comment il s'appelait l'autre. Et c'est pareil, effectivement, c'est une violence qu'on nous donne, qu'on nous jette en pâture. Et si on arrêtait de faire des... C'est con hein, ce que je dis, mais si on arrêtait de faire déjà des jouets avec des flingues et des mitraillettes et tout ce que vous voulez, bah déjà ça serait peut-être une bonne solution, et réinventer là tous ces jeux à la con pour lesquels on jouait. Voilà, je parlerai même pas des jeux vidéo de guerre et de machin, de simulation... ou des GTA, parce que j'y ai joué, ou des Die Hard, où il fallait sauver la tour, et il fallait canarder dans tous les sens, et la manette vibrait de la PlayStation, et à chaque fois qu'on tirait, en fait, à la fin, tu sortais de là, de une heure, t'avais les mains comme ça, parce que ta manette, elle vibrait tout le temps, parce que tu tirais tout le temps. Ça s'appelait des shootguns, à l'époque, ces jeux vidéo-là, et c'est vraiment, enfin, Maintenant, avec du recul, c'est vraiment atroce, en fait. Et si on enlevait tout ça, bah, peut-être que déjà, on aurait des pensées un petit peu moins violentes. Non, moi, je pense à le moment de l'adolescence où on dit que c'est souvent un moment très violent. Et je crois que c'est Foucault qui disait que le capitalisme avait besoin d'une guerre régulière de toute façon, et comme ça en fait les adolescents, le moment où ils passaient à l'âge adulte, de toute façon la plupart étaient enrôlés dans la guerre parce qu'il y avait à chaque fois un moment à l'adolescence. Et là c'est vrai qu'en Europe notamment on n'a pas eu de guerre depuis depuis 70 ans, ouais, à peine. Et donc comment, oui, enfin en tout cas que les soldats, enfin voilà, les jeunes français n'ont pas été enrôlés, la majorité de la population, dans une guerre depuis quand même très longtemps. Et donc, que là, c'est d'ailleurs intéressant, c'est depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale que le concept d'adolescence est vraiment développé, que ça devient un problème, comment est-ce qu'on fait pour ces jeunes-là qui sont violents. Avant, la question se posait pas parce que c'était régulé de cette façon-là. Donc c'est aussi la façon dont tu poses la question, en fait, on pourrait aussi la retourner dans le sens où, bah, justement, tous ces jeux-là, de toute façon, il y a une violence chez l'être humain. Je pense que ça, personne dira « Non, c'est pas vrai, l'être humain est au fond pacifique. » Il y a une forme de violence, mais qui est liée, bah, aux frustrations du quotidien, qui est liée à la limite de sa propre puissance, parce qu'il y en a d'autres autour de lui, qui font qu'il y a un moment, il peut ressentir cette violence. Mais en effet, du coup, est-ce que on choisit des jeux pour que, dans l'imagination, il utilise cette violence et qu'il l'opère pas dans la réalité, mais que quand même, du coup... cette façon dont il l'utilise, même dans son imagination, bah, ce soit contre d'autres, même virtuels, ou est-ce qu'on essaye de penser cette violence qui est en rapport avec la puissance plutôt comme, voilà, de quelle façon tu pourrais l'utiliser en toi pour aller dans la création, par exemple, pour aller dans je sais pas, dans d'autres choses. Enfin, je pense aussi toutes les violences faites à tous ces pauvres petits animaux quand on est ado, enfin, bon, ou chez les enfants, d'ailleurs. Enfin, voilà, de quelle façon, en fait, cette violence pourrait non pas être forcément utilisé dans un but précis, mais où elle pourrait être questionnée chez chacun. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais... Alors, je suis tout à fait d'accord avec le problème de l'omniprésence de la violence dans les médias, qui est même d'ailleurs, c'est curieusement, beaucoup plus banalisé que la drogue, que la sexualité ou toute autre chose. En même temps, j'ai fait comme tous les gamins, hein, j'ai fait des jeux de guerre, j'ai fait des arts martiaux, j'ai fait tout ça, j'ai regardé des films violents, j'ai jamais tapé sur personne, hein. C'est pas une fatalité en même temps, donc il y a peut-être une limite à cette argumentation qui détournerait peut-être en fait le vrai problème. C'est vraiment une question là. Alors moi le problème que j'ai, c'est qu'en fait j'ai plutôt tendance à vouloir dire oui à la question, mais en même temps je cherche dans ma mémoire en fait des exemples concrets historiques où des actions pacifiques ont permis d'apporter des solutions sociales, et en fait j'en trouve pas. En fait, à chaque fois je pense actuellement en Corée du Sud, là il y a des manifestations massives pour demander la démission du premier ministre, du président, enfin de la présidente je crois, donc là sur quoi ça va déboucher, je sais pas. Je pense au printemps arabe, bon c'était essentiellement violent, donc ça a engendré du chaos, donc je voilà, en fait j'ai envie de dire oui, mais concrètement historiquement je n'ai pas d'exemple en fait de cas. Alors si parmi vous il y en a qu'on ont, je serais curieux de les entendre, mais voilà, c'est voilà. C'est super intéressant, et c'est pour ça que moi je pense qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. Faut pas chercher dans le passé, ouais, est-ce que ça a déjà marché? Non, on s'en fout de ça. Nous on se dit, on peut y arriver. Moi personnellement je pense qu'on peut y arriver. Et pareil, comme tu dis, les jeux, les jouets violents et tout ça, ça dépend comment tu l'expliques, ça dépend comment... Si t'arrives à dire à l'enfant, mais ça c'est ton imaginaire, tu le gardes pour toi, c'est pas ça, tu t'en serviras pas dans la vie de tous les jours. Moi aussi j'ai joué à GTA, c'est pas pour ça que je braque des banques et que je vole des voitures. Donc après je pense que ça induit quand même un certain fonctionnement. C'est pas non plus bon de donner des jeux comme ça à des enfants de 4 ans. Là pour le coup ça devient dangereux, je pense. Mais il faut rester il faut se dire que oui c'est possible, et il faut juste apprendre à gérer. Aujourd'hui on a une connaissance du cerveau qu'on avait, que tu vas chercher dans le passé, personne connaissait le fonctionnement du cerveau de la manière qu'on la connaît aujourd'hui. Donc, on peut montrer que la violence n'est pas forcément obligatoire pour gérer les conflits. Hein. Moi, c'est vraiment, je reste là-dedans parce que Là, pour aujourd'hui, c'est ça le problème, je pense, dans le monde, c'est que voilà, il y a un conflit, paf, faut qu'on soit violent pour résoudre le conflit. La seule révolution pacifique qui a fonctionné, c'est la révolution de Gandhi. Hein. Ça n'a pas été pacifique au sens où les Anglais ont réagi de manière très violente. Mais eux ne sont pas passés par les armes. Alors, ça, c'est l'exemple parfait. Effectivement, ça a marché. Mais quel régime a engendré cette révolution pacifique? C'est ça la question. Et aujourd'hui, tu prends le régime indien. Bon, moi, je ne suis pas un spécialiste. Mais est-ce que c'est vraiment... est-ce qu'ils ont atteint l'idéal pacifique? Ou est-ce qu'ils ont reproduit des modes de domination qui existaient déjà quand c'était la colonisation anglaise? Donc la question, c'est est-ce que finalement la violence est inhérente ontologiquement à l'humain et qu'il ne peut pas s'en libérer, qu'il est dans l'illusion de croire qu'on peut construire une humanité non violente? Ou est-ce que la violence fait partie de l'humain? Et la question est de savoir comment la canaliser. Voilà, ça pose cette question-là aussi, je pense. Mais tout à fait, parce que même... Là, tu dis, suite au mouvement non violent, est-ce qu'ils n'ont pas reproduit des choses? Mais suite au mouvement violent, il y a aussi eu des choses. Enfin, on pense aux révolutions, etc. Donc, je pense qu'en fait, pardon, le moment où... je reste persuadé que la violence peut être utilisée, mais ce qu'il faut vraiment se poser, c'est, une fois, du coup, que le rapport de force est modifié, qu'est-ce qu'on en fait? Faut pas se dire à ce moment-là, il n'y a plus de violence, maintenant, on l'arrête. Non, non, non, la violence, elle est encore là. Donc, de toute cette force-là qu'on vient de canaliser dans le moment, allez, ça va peut-être tenir 10 ans sans que ça ressorte, mais ça va ressortir. Ça va ressortir dans 10 ans, dans 20 ans, ça va forcément ressortir. Donc quels moyens on utilise dans cette société qu'on crée pour en faire quelque chose? Et je crois que c'est peut-être une question qui ne s'est pas forcément posée, justement, suite à toutes les révolutions, sur ce nouveau rapport de force qu'on vient d'instaurer. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il reste toujours en activité aussi? Parce qu'à partir du moment où il y a quelque chose de figé, il y aura une violence qui viendra le défiger. Et suite aux révolutions, il y a des choses qui ont été imposées, qui étaient peut-être pacifiques, mais à partir du moment où c'était... marqué, il y avait pas, on prenait pas toujours la dialectique du il y a des enjeux de pouvoir, donc comment est-ce qu'on va continuer à les penser toujours derrière, quoi. Oui, alors juste pour te répondre, en Inde, malheureusement, on est sur le repli identitaire actuellement. Et on a un peu c'est une sorte de populisme, en fait. Et c'est très particulier. J'ai lu un article dans le magazine Society il y a quelques temps là-dessus qui était très très intéressant. Et en fait, sous une espèce de programme où on met le yoga obligatoire pour tous, etc., etc., qui a l'air d'un truc un peu cuculapraline, en fait, derrière, il y a un repli complètement sur des trucs pseudo-obscurantisme d'il y a X années. C'est très chelou. Et en fait, c'est un peu ce qu'on constate un petit peu. Je reparle de ce qui s'est passé sous le cas des États-Unis, mais c'est un peu le cas. Mais c'est le cas aussi en Europe, où il y a un repli sur soi-même. Et en Inde, c'est le cas actuellement. Pour rebondir sur ce que disait Adèle, il y a quelques jours, j'ai lu un article sur ce qui se passe en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il y a eu les élections municipales il y a quelques semaines, et en fait, le parti qui est au pouvoir, qui est le parti, c'est ceux qui ont pris la suite de Nelson Mandela, et en fait, le président est très très critiqué. Parce que notamment, il est un peu laxiste sur tout ce qui est, pas le lobbying, mais donner de l'argent, etc. Tout ce bordel qui est un petit peu au Brésil aussi, où en gros, c'est un peu la monnaie courante, la corruption. Voilà. Et en fait, l'article disait, mais la difficulté d'un mouvement, entre guillemets, ou d'un parti, etc., qui est pacifiste et qui libère, entre guillemets, un pays, la difficulté qu'ils ont après... à vraiment gouverner et à mettre en place ce qu'ils voulaient. Et en fait, il y a plein d'exemples comme ça en Afrique où ça a tourné court, où ça a tourné en dictature. Il y a pas longtemps un photomontage avec les présidents des États-Unis et à côté le président d'un pays africain. Et en fait, le président, c'est toujours le même au niveau du pays africain. Et aux États-Unis, tu passais de Reagan à Trump. Donc tu vois, pour te dire. Et c'est vraiment très très intéressant parce que ce qui se passe en Afrique du Sud, là, ça, ils sont vraiment un tournant parce qu'ils sont tiraillés entre les ultra-libérales et sur, on va dire, ce qu'on va appeler l'extrême gauche d'Afrique. Et le parti Nelson Mandela, c'est un peu le PS. Alors je caricaturise, hein, et puis je suis pas un spécialiste, mais en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre de ça. Et du coup, ça, voilà, là où c'est intéressant, c'est que ça montre cette difficulté-là, cette transition, et surtout dans le temps, et c'est très très compliqué. Et après, de toute façon, c'est le peuple qui... Bah, de toute façon, qui vote, hein, on l'a vu. Donc c'est eux qui décident. Et je suis pas sûr. Enfin voilà, de pacifistes, on en a. Enfin, il y a eu des mouvements hein, qui au départ étaient pacifistes et après qui ont fini vraiment très. On va dire voilà, qui ont pris les armes, etc. Enfin, dans un degré moindre, je vois ce qui se passait en Italie à une certaine époque, les Basques, même aujourd'hui en Corse. Quand tu vois que les Corses, les anciens du FLN, ils comprennent pas voilà, ce qui se passe aujourd'hui. Ils disent, mais vous les jeunes, vous êtes des cons, quoi, parce que vous faites n'importe quoi. Et ça mute, ça évolue tout ça. Et c'est vrai que la vérité d'un... Alors c'est con ce que je vais dire, mais la vérité d'un jour n'est pas forcément la même. Et des fois, tu retrouves des choses derrière des mouvements ou des associations, des partis qui étaient plutôt dans le fond, voilà, avaient plutôt... Tu te dis, ah ouais, bah, c'est plutôt bien. Et... Bah, ça dérive et ça devient un truc qui est beaucoup moins bien du coup. Donc c'est encore une fois, c'est l'humain en fait, et c'est vraiment le comportement, et ça joue des fois pas grand chose, mais en tout cas ce sujet-là c'est très intéressant. Non, juste comme ça, moi j'invite les gens à regarder ou à lire des bouquins. Des conférences de Marshall Rosenberg sur la communication non violente, et pardon, c'est très intéressant parce qu'en fait les gens, quand on dit communication non violente, ils ont l'impression qu'on c'est un truc pour les bisounours, alors qu'en fait pas du tout. C'est vraiment ça peut être très très violent pour certaines personnes, et c'est pour ça que quand j'entends pacifisme, pour moi c'est il peut y avoir le pacifisme peut être très violent pour certaines personnes. Donc ça reste, et eux vont les gens d'en face vont le ressentir comme de la violence. Donc en fait, tout dépend d'où on se place. Et en tout cas, la communication non violente est quelque chose de très intéressant pour avoir une idée de comment fonctionne un conflit. Voilà. Non mais tout à fait, tout dépend d'où on se place. Et donc si on se place du côté du plus fort, pacifisme, c'est facile. Puisque de toute façon, il n'y a pas quelque chose à renverser. Donc là, oui, si tu es du côté du plus fort, tu peux être pacifique. Et l'autre, tu peux dire, oui, mais regarde ce que tu fais, c'est violent. Mais alors que l'autre, il est soumis depuis tellement longtemps que, en fait, le simple fait de même d'être non violent, pour lui, c'est déjà une forme de violence faite à lui-même. Donc, c'est pour ça que je reste persuadé qu'il y a... Enfin, de quelle façon, en fait, on peut renverser un rapport de force par le pacifisme, ou alors, vraiment, c'est par le nombre. Par le nombre, c'est-à-dire... toutes ces personnes-là qui sont soumises pacifiquement remettent en cause le rapport de force, donc soit par les moyens économiques, soit par des moyens culturels, soit par d'autres formes d'ailleurs peut-être. Et donc arrive du coup, en fait, le mode pacifique, ce serait se passer de celui qui a la force pour créer d'autres choses, pour créer une nouvelle société. S'en passer totalement, c'est-à-dire pas l'affronter, mais se passer de lui. Peut-être que ce serait la seule forme pacifique qui pourrait fonctionner. Mais à partir du moment où on garde le rapport à celui qui est le plus fort, il faut forcément que ça aille par la violence pour le détrôner. Mais sans passer totalement, de façon pacifique, là c'est possible, mais c'est là où en retour il y aura la répression du plus fort. Donc la violence du coup viendra de l'extérieur. Mais c'est vrai que ça peut être, peut-être que ça peut être tenté comme ça. Parce que même je me dis, dans les exemples historiques, à chaque fois on s'est battu en fait contre celui qui avait la force. Alors que sans passer, faire comme si il n'existait pas, ou en tout cas on n'avait pas besoin de lui... Bah, du coup, il n'y a même pas besoin de prendre les armes, parce qu'il n'y a personne à combattre. On crée le truc, tous ensemble, tous ceux qui ont envie de remettre ça, tous ensemble, ouais. Tous ceux qui ont envie de, justement, proposer quelque chose de nouveau, le font ensemble, en se passant de la force qui est déjà existante. Et là, en effet, la violence, c'est sûr qu'elle va venir de la force, en disant, mais non, là, on perd les privilèges, donc on va vous imposer des trucs. Et là, la question se pose, est-ce que si les gens continuent, à se passer du pouvoir qui essaye pourtant, là ce serait une sacrée force, mais non violente en effet, de montrer que vraiment on n'a pas besoin de vous, quoi. C'était juste en fait ce que tu dis, c'est qu'on essaye de pas, on essaye toujours de les contraindre en fait, du coup de les contraindre à changer d'avis, donc oui, essayons de les oublier, quoi. Sauf que effectivement, comme je pense qu'au bout d'un moment, si vraiment on arrive à faire ça dans peu importe quel mouvement, effectivement je pense que les dominants seraient dérangés et donc deviendraient forcément violents au bout d'un moment, je pense. Ouais. Je suis un de vos voisins et je viens voir là pour la première fois Nuit Debout. Je suis un peu attristé, mais le problème n'est pas trop là. D'abord, il y a la Birmanie, qui est le meilleur des exemples de ce que vous étiez en train de dire. Et puis, il y avait les Kurdes, 47 millions de Kurdes, 17 millions en Turquie, en Syrie, en Irak et en Iran. Et les Kurdes, s'ils sont encore là, les 47 millions, c'est parce qu'effectivement, ils ont envisagé de s'armer, d'être présents, parce que du temps de Kemal, ils y sont tous passés. Donc, il y a à la violence, il y a aussi la violence pour survivre. Et puis, n'oubliez pas quand même la Birmanie, qui est un bon exemple, très bon exemple. Il y a Aung San Suu Kyi, elle a pas employé la violence, hein, et elle a quand même fait chuter la junte. Voilà. Courage à vous. Je vous plains un peu. Oui, moi j'aurais repensé ce qu'a dit Adèle tout de suite là, c'est que lui ne doit rien demander au gouvernement ni à personne. Développe ce qu'elle a développé. Oui, alors. Et alors. Moi, j'ai pas fini de parler là, s'il vous plaît. Hein. Donc, tu veux parler à ma place? Ah putain, c'est pas croyable. Alors, le. Oui, alors ce que tu dis, c'est que quelqu'un qui se développe en ignorant la force d'un adversaire potentiel, il gagne. Donc, Nuit Debout a gagné une bataille. Ça fait 6 mois qu'on est là. On nous a pas encore sortis de la place. Et on s'occupe pas du gouvernement. C'est le gouvernement qui s'occupe de nous de temps à autre. Ce qu'il fait, ben il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il peut, plutôt. Donc, nous, on n'a qu'à développer sous la forme qu'on a inventée, c'est-à-dire essentiellement la parole réciproque, c'est-à-dire quelqu'un qui parle, on l'écoute, et celui qui a écouté peut parler. Et moi, je viens de rencontrer quelqu'un chez Samir qui me dit, je fais le tour de la planète 3 fois par semaine, et la place de la République à Paris, c'est le seul endroit où c'est possible. Donc, moi, je pense qu'il faut étendre ça, quoi qu'en passe, monsieur le ministre de l'Intérieur, de l'Extérieur ou ailleurs. Tiens Pierre, je voulais savoir qu'est-ce que Nuit Debout a gagné comme combat, parce que franchement, le combat de Nuit Debout, moi, je le vois pas sur la place de la République, si à part le week-end, mais sinon la semaine, je le vois pas. Je peux te répondre là? Oui, tu vois rien parce que tu t'es cassé, alors évidemment, tu vois moins bien. Au contraire, désolé, je me suis pas cassé tous les jours, je suis sur la place de la République. Toi, t'es une fois de temps en temps, tu viens que le week-end. Moi, je suis tous les jours à 24 sur la place de la République. Alors désolé, c'est, je suis quand même le plus concerné au niveau de ça, ma gueule. En effet, peut-être... Enfin, je sais pas si Nuit Debout a gagné un quelconque combat, mais en tout cas, il a... Enfin, c'est peut-être un petit peu vers ce vers quoi t'allais, Pierre. Il a inventé, voilà, comme tu le disais, une nouvelle forme, en tout cas, d'être ensemble, de penser ensemble. Et c'est évident que le nombre, on ne l'a pas, justement, pour faire des choses au-delà. Mais du coup, en fait, je suis en train de penser à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, dans laquelle, là aussi, ils ne demandent pas au gouvernement, ils ne sont pas dans une lutte directe avec le gouvernement, c'est le gouvernement qui vient les réprimer parce qu'il se dit « Non, non, non, là, ce qui se passe, là, ça ne va pas du tout. » Et eux, ils créent leur truc. Ils continuent à créer, ils continuent à inventer tous les jours. Et là, c'est pareil, il y a des gens de toute l'Europe qui passent à la ZAD toutes les semaines parce qu'ils se disent, mais là, ils sont vraiment en train de faire quelque chose qui fonctionne. Alors, c'est un groupe petit, c'est limité dans un territoire aussi, donc c'est limité spatialement, mais temporellement, déjà, c'est pas limité. Ça, c'est intéressant parce qu'ils ont toujours la menace d'expulsion, mais eux, ils pensent au quotidien, ils pensent aux récoltes de l'année d'après, ils pensent... à la traite des vaches, ils pensent donc bah, du coup par rapport au taureau, on va voir avec le paysan d'à côté comment ça va se passer. Ils pensent toujours à l'année d'après et ils se disent bah si on est expulsé, si vraiment ça en arrive là, on sera expulsé. Si jamais on vient nous attaquer, on va lutter. Mais ils sont pas en train de prendre du coup les armes pour aller tout de suite exporter ça ailleurs. C'est déjà quelque chose qui dans le petit lieu où ça se fait. Et rien que ça, c'est ça qui est assez intéressant, c'est en effet un exemple que beaucoup d'autres pays, enfin voilà, en Europe et même ailleurs, sont très intéressés par ce qui se passe là-bas, du coup. Je remercie Adèle pour son intervention, parce qu'elle répond un peu à la question que je posais tout à l'heure, quand je faisais appel à des exemples concrets, et c'est vrai que d'une certaine façon, ce qui se passe actuellement, c'est un exemple concret, parce que là, on a un mode opératoire qui est d'occupation pacifique, et qui vraisemblablement va peut-être déboucher sur la non-construction de l'aéroport. Donc effectivement, voilà un mode, disons, pacifique qui peut-être sera opérant et qui peut être justement un exemple parmi d'autres de moyens d'action pacifiques. Voilà. Et tout à l'heure, il était question aussi de comment, justement, quand on arrive par la violence ou pas par la violence à réaliser une lutte sociale, comment pérenniser la paix, finalement. Et ça, moi, je pense que l'origine de la violence, c'est le sentiment d'injustice. Moi, dans mon... C'est-à-dire que, pour moi, en fait, pour mettre fin à la violence, il faut mettre fin, je dis pas à l'injustice, hein, je dis au sentiment d'injustice. Parce que ce que je remarque, c'est que souvent, dans toutes les formes de conflits, il y a violence quand il y a sentiment d'injustice. Et donc, si on pouvait lutter contre le sentiment, je dis bien, d'injustice, je pense qu'on pourrait mettre fin à la violence. Donc, c'est presque un problème psychologique, je dirais. Mais pourquoi pas lutter contre l'injustice tout court ? C'est trop compliqué. Voilà, parce que quand on parle de... Parce que le mot, déjà, injustice, en fait, c'est un concept en soi, entre le juste et l'injuste, le vrai et le faux, etc. Donc c'est tellement métaphysique, c'est tellement objectif, que finalement, ça ne répond pas à des cas... Enfin, ça serait difficile de... D'ailleurs, ce que la question que tu poses, pour moi, c'est aussi la question religieuse, dont on n'a pas parlé jusqu'ici. Et quand on voit les grandes religions, je pense, par exemple, au manichéisme, qui dit qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a une lutte entre le bien et le mal, on peut penser à toutes les religions qui sont arrivées, où il y a toujours eu des distinctions entre les deux, et même aujourd'hui, le capitalisme, c'est un peu ça, c'est aussi une lutte des classes, enfin, c'est violent, c'est la loi du plus fort, etc., c'est un peu du darwinisme social. Donc, la justice, on pourrait dire, de la nature, justement, elle met en avant la violence, c'est-à-dire c'est le plus fort, entre guillemets, qui, le plus rusé qui gagne. Et donc, du coup, c'est pour ça que pour moi le problème c'est le sentiment d'injustice, c'est pas la justice. Parce qu'à ce moment-là, on peut très bien dire que le capitalisme c'est une adaptation de la justice naturelle au social. Voilà. Et donc, il est juste d'être injuste. Non, mais pour ceux qui croient en cela, pour ceux qui croient au darwinisme social, tu vois. Juste sur le capitalisme, ça n'a rien à voir avec du darwinisme et ça n'a rien à voir avec une règle naturelle. Hein, c'est une construction totalement artificielle et boiteuse qui ne fonctionne pas. Excusez-moi. Ouais, je voulais prendre la parole parce que sur la ZAD, il y a deux, trois choses qui ont été dites et qui ne vont absolument pas. Je ne pense pas qu'on puisse catégoriser la ZAD comme étant un mouvement non violent qui se définirait dans l'alpha et l'oméga par la non-violence. C'est un mouvement très divers, avec une aile très citoyenniste et une aile très, très radicale. Et sur la question de la violence et de la non-violence, le débat, moi j'y suis allé sur la ZAD depuis au moins 2013, rencontre annuelle et puis après quand il a fallu reconstruire aussi à différents moments, il y a toujours ce vieux débat stérile, violence, non-violence, moi j'aime Gandhi, moi j'aime Bakounine, puis voilà, et puis ça dure trois plombs mais on n'avance pas d'un pas. Donc ce qu'on a appris au moins sur la ZAD, c'est qu'on pouvait tous apprendre à se rencontrer, à se connaître, et d'univers très différents, hein, paysans, anard des villes, etc. Et à marcher ensemble, il y a de la place pour les différentes tactiques, et c'est un truc que j'ai appris avec des camarades allemands aussi qui s'occupent d'une mine de charbon à Hambach. Et du nucléaire aussi à Gorleben, et ils disent bon bah on marche sur deux jambes, il y a ceux qui sont soit parce qu'ils sont un certain âge ou un certain état de santé ou chargés de famille etc, qui veulent pas aller au clash, qui veulent voilà, ça leur correspond pas ou ils ont pas les moyens de le faire, et inversement il y a ceux qui veulent aller au clash, et ben on marche sur deux jambes, et c'est comme ça qu'on a un mouvement à 20 000 au lieu d'être 600 effectivement. Donc je pense qu'il faut sortir de ce débat-là, enfin du moins dans la manière dont il est posé. Et puis je voulais revenir sur l'Afrique du Sud aussi. Je voulais parler de camarades anarchistes qui s'appellent le Zabalaza Anarchist Front, et qui parlent du massacre de Marikana. C'est quoi le massacre de Marikana ? C'est il y a 10 ans, il y a eu des mineurs en grève qui n'étaient pas payés avec l'ANC qui était au pouvoir, donc le pouvoir de Nelson Mandela qui est devenu un parti bourgeois et corrompu à l'image de son président Jacob Zuma. Et comme à fourmi, comme à chaque fois qu'il y a un pouvoir pseudo-démocratique qui arrive au pouvoir, on fait tirer sur les ouvriers, et il y a eu des dizaines de tués, il y a eu des centaines de blessés, et aujourd'hui il y a un syndicalisme révolutionnaire en Afrique du Sud qui relève la tête, qui est déterminé à organiser la classe et à lutter contre le pouvoir corrompu et oligarchique de l'ANC. Donc voilà, ça peut être aussi une manière de rentrer un peu dans le concret, de sortir des débats métaphysiques. Merci à vous. Merci beaucoup. De toute façon, du coup, on va s'arrêter là sur la boîte à questions. C'est bien, je pense qu'on a passé une heure sur... Mais en effet, enfin, hein, je veux dire, c'est des questions qui se posent toujours à la ZAD, qui se sont toujours posées à Nuit Debout. En fait, dans tous les mouvements, je pense que ces questions-là sont restées... Mais parce que si elles se posent toujours, c'est parce qu'il n'y a pas de réponse. C'est pas oui ou non. C'est que dans tous les cas, il y a des moyens qui peuvent être utilisés, qui sont violents et d'autres non. Enfin, bon... Du coup, on va passer à l'intervention. On n'a pas écrit le programme aujourd'hui, c'est pas très bien. Et donc c'est Pierre, qui est déjà installé, qui va venir nous parler de ce que la pensée complexe est à la pensée. Et il y a la suite de la phrase que je ne connais plus par cœur. Mais du coup, je te donne la parole. Donc vous êtes tous les bienvenus pour... Bah déjà pour écouter, bien sûr, et puis donc il y a à peu près 20 minutes de présentation, et ensuite 40 minutes de débat dans lesquels vous pouvez tous et toutes participer. Donc je te donne la parole, je change juste le...